Section 15 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 15. Croquis d'octobre par Gustave Geffroy. Chapitre 2. Marionnettes. Le spectacle est coupé comme au vaudeville, et il y a des ballets comme à l'Éden. Mais la ressemblance s'arrête là. Sur la scène restreinte, installée comme un grand guignol sur la véritable scène, la comédie bourgeoise issue de M. Scribe et l'apothéose de la danseuse étoile ne sont pas admises. Les pantins à tête de bois et à membres rembourrés de son ne peuvent inspirer que d'idéal et artistique passion aux amateurs de l'orchestre. Si le jeu de la jeune première devient par trop séduisant, si ses jupes voyantes découvrent des épaules et des jambes d'une trop élégante gracilité, il ne s'ensuit pourtant ni bouquet, ni missive, ni offre d'hôtel et de coupé. La poupée inerte affaissée dans la coulisse contre un portant ne reçoit aucune visite pendant l'entracte. L'acteur est là, ce qu'il doit être. Il ne joue pas en dehors de la pièce. Rendu à lui-même, il ne fait aucun tapage par la ville et ne confie aucune lamentation à aucun reporter. Le rôle est bien appris et bien joué, et c'est tout. C'est donc sans pensée étrangère à l'art qu'on regarde manœuvrer les marionnettes. L'esprit n'est pas préoccupé d'aventure et le cœur bat régulièrement. Et pourtant, les ficelles sont si bien tenues et les personnages si obéissants que l'illusion s'en mêle, qu'un brin de rêve envahit le cerveau et qu'on regarde bientôt la troupe comme une humanité spéciale en action. Une humanité consciente et railleuse, animée d'une vie passagère aussi réelle que la nôtre. La représentation prend le caractère d'une lecture d'Hoffmann. La précision des gestes fait oublier leur raideur. Les mouvements des jambes, des pieds, des bras et des mains sont si justes, si nuancés, si lents ou si précipités qu'ils communiquent une vie factice aux traits immobiles. Sur les fonds simples, coloriés, comme des images d'épinal, les silhouettes marchent, courent, dansent, tombe, se relève, passe à travers les maisons, lutte avec des animaux fantastiques, enfourche des locomotives et les excentriques actions font songer à l'agitation des vivants. Il y a des amoureux et des amoureuses, des Cassandres et des intrigants. Les caractères et les professions sont clairement indiqués par les détails des costumes et les airs des visages. Les poèmes sont courts, facilement compréhensibles, mais les situations variées à l'infini, et les fabricants patentés y trouveraient facilement matière à quantité de drames et de vaudevilles. L'action se passant n'importe où, la critique de M. Darcel n'aurait pas de prise sur les décors, qui sont absolument délicieux. Ce sont des vues de mer, avec des vagues en accent circonflexe, comme dans l'Angélique de M. Ingres, des intérieurs sous-marins habités par des fleurs arborescentes et des poissons mécaniques, des rues avec des maisons de tous les styles qui sont des fruiteries et des épiceries, des salons à portiques et à colonnades qui ressemblent à des pâtisseries montées, des embarcadères de chemin de fer d'où l'on part pour des pays d'apothéose. Et là-dedans, au bruit d'une musique enragée de monotonie, aigre et saccadée, a évoqué tous les concerts de Londres. Les marionnettes savent se montrer supérieures aux acteurs du gymnase et même aux sociétaires de la comédie française, car dans la coulisse, on prononce seulement pour elles quelques interjections anglaises. Mais elles n'ouvrent pas la bouche. Ces intelligentes marionnettes, elles s'abstiennent de dire du sardou. Elles n'ont pas appris Georges Honnet. Elles ignorent Payron. Fin de la section 15, lue par Margot.